بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن ربنا الكبير المتعال الرحمن الرحيم دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد ذكر أسماء الله الحسنى مع شيء من شرح معانيها ودلالتها وما يتعلق بها، ونحن بصدد الكلام عن أسماء الله عز وجل الغفور والغفار والغافر والعفو. وكان آخر شيء رأيناه سويا ذكر بعض الأسباب الشرعية التي وضعها الله عز وجل لغفران الذنوب والعفو عنها. Mes frères bien-aimés, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien fait sur nous. Nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de tawhid, à travers lesquels nous sommes actuellement en train de citer les merveilleux noms d'Allah azza wa jalla, les noms les plus beaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes actuellement en train de citer les noms d'Allah azza wa jalla tels que le grand pardonneur, le très pardonneur, le pardonneur, ainsi que l'absoluteur. La dernière chose que nous avons vue ensemble la semaine passée, c'était les causes religieuses qu'Allah Azzawajal a établies pour le pardon des péchés et l'absolution des péchés. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azzawajal, nous poursuivons et nous citons les éléments qui nous restent selon ce qu'Allah Azzawajal nous permet, en commençant par le titre suivant, ou bien le point suivant, le fait que ces nobles noms renferment et renvoient vers d'autres noms d'Allah Subhanahu Azzawajal. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit. Donc le point suivant, ou bien le point par lequel nous allons commencer, Inch'Allah Azza wa Jal, c'est le fait que les nobles noms que nous avons cités, le pardonneur, le très pardonneur, le grand pardonneur et l'absoluteur, renferment et renvoient vers les autres noms d'Allah Azza wa Jal. En effet, ces nobles noms d'Allah Azza wa Jal renferment et renvoient vers un grand nombre parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les noms de la souveraineté absolue, tels que Allah, le Seigneur, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'absolu, ainsi que les noms de la science et de la sagesse, tels que le savant, le parfaitement informé, l'enveloppant, le sage, le clairvoyant. Ensuite, les noms de la puissance et de la force, tels que le Tout-Puissant, le Fort, le Puissant, le Dominateur Suprême, le Contraignant, ainsi que les noms des noms du Jugement et de la Gestion, tels que le Juge Suprême, l'Équitable, celui qui rend compte de toutes choses, celui qui fait ce qu'il veut, et enfin les noms de la Miséricorde et de la Bienfaisance, tels que le Pardonneur, le Très Miséricordieux, le Bienfaiteur, le Généreux, le Pourvoyeur, le Doux, le Compatissant, le Très Bienfaiteur. Nous avons vu précédemment et à plusieurs reprises que les noms d'Allah Azza wa Jal sont des noms parfaits. Il fait partie de leur perfection, de leur beauté, le fait que ces noms renvoient les uns vers les autres et que ces noms les uns incluent les autres. Et ça fait partie de l'immensité de ces noms, de leur beauté et du fait qu'ils soient à eux seuls des signes indéniables et irréfutables de la grandeur de notre Seigneur et de la grandeur de tout ce qui le concerne, subhanahu azza wa jal. Donc, les noms d'Allah azza wa jal se complètent, se renvoient les uns vers les autres, se supportent et se complètent. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal est pardonneur, avec ses variantes, très grand pardonneur ou grand pardonneur, ou bien absoluteur, Al-Afou, lorsqu'on comprend ce nom, ces noms et leur portée, on comprend systématiquement le sens d'autres noms d'Allah Azzawajal. Pour qu'il pardonne, il faut qu'il soit existant. Pour qu'il pardonne, il faut qu'il soit vivant. Donc voilà pourquoi le pardonneur est celui qui est vivant. Le pardonneur, c'est celui qui pardonne. Celui qui pardonne, c'est Allah, le Seigneur, le Dieu, la divinité, la seule et l'unique véritable. Celui qui est doté des attributs qui font de lui la réelle et véritable divinité qui mérite d'être adorée. Également, le Seigneur, celui qui crée, celui qui administre, celui qui gère, et ainsi de suite. Donc, ces noms, le pardonneur, avec ses variantes, et l'absoluteur renferme les noms de la souveraineté absolue, tels que Allah, le Seigneur, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et l'absolu. L'absolu, c'est celui qui est doté des noms c'est celui qui est doté des attributs de perfection à la perfection, de tous les attributs de perfection à la perfection. Et parmi les attributs de perfection, c'est quoi? On a le pardon et l'absolution des péchés. Nous avons également les noms de la science et de la sagesse. Nous avons dit que Allah Azzawajal pardonne les péchés. Cela veut dire, cela inclut quoi? Qu'Allah Azzawajal connaît les péchés de ses serviteurs. Aussi, Allah Azzawajal sait qui parmi ses serviteurs mérite son pardon et qui ne le mérite pas. Et dans cela, il est sage. Il est doté de sagesse absolue. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah est pardonneur et absoluteur, ceci renferme les noms de la science et de la sagesse, tels que le savant, le parfaitement informé, l'enveloppant, le sage, le clairvoyant. Allah est clairvoyant, Allah sait qui a fait un péché et qui va se repentir. Allah sait qui a fait un péché alors qu'au fond de lui, il craint Allah et il aime Allah, il n'aurait pas voulu le faire, etc., etc. Parmi ceux-là, nous avons les noms de la puissance et de la force. En effet, Allah Azzawajal pardonne à qui il veut. Il n'y a personne qui peut imposer à Allah Azzawajal de pardonner à qui cette personne aurait voulu. Et Allah refuse son pardon à qui il veut. Il n'y a personne qui peut venir et imposer à Allah Azzawajal de pardonner à des personnes qu'Allah Azzawajal n'aurait pas voulu pardonner. Et ça renferme quoi? Ça renferme les noms et les attributs de la puissance et de la force. Allah Azzawajal est le tout-puissant, le fort, le puissant, le dominateur suprême, le contraignant. C'est lui qui contraint. Et rien ni personne ne peut le contraindre à quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut. Même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans le verset, n'avait pas le droit à s'immiscer dans ce droit d'Allah azzawajal ultime et légitime et unique. Donc c'est le droit seul et unique à Allah azzawajal d'accorder le pardon à qui il veut. Également, ces noms renferment et renvoient vers les noms du jugement et de la gestion. En effet, pour pardonner, ceci dépend du jugement d'Allah. Qui aura le pardon? C'est Allah qui juge. Qui sera privé du pardon? C'est Allah qui juge. Qui était sincère dans son repentir? C'est Allah qui juge. Qui Allah lui accorde le pardon sans qu'il se repente, sans qu'il se rattrape? C'est Allah qui juge. Donc Allah Azzawajal, c'est le juge suprême et c'est lui qui gère et administre les affaires des mondes à tous les niveaux, religieux, mondains et de l'au-delà. Et donc, le fait de dire qu'Allah Azzawajal c'est le pardonneur, ceci renferme le fait que ce soit le juge suprême. Il est équitable, Allah Azzawajal, dans le fait d'accorder son pardon à qui il veut. Il n'est absolument pas injuste envers qui que ce soit. Donc c'est l'équitable, c'est celui qui rend les comptes de toute chose, celui qui fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et enfin, et bien évidemment, ces noms du pardon et de l'absolution renferme les noms d'Allah Azzawajal liés à la miséricorde et à la bonté. En effet, nous avons vu que le pardon d'Allah Azzawajal est une pure bonté venant d'Allah Subhanahu wa Azzawajal. Personne ne mérite réellement et véritablement le pardon d'Allah Azzawajal. Et combien de personnes ne méritent encore pas ce pardon à plus forte raison? Parce qu'ils ne se sont pas repentis, parce qu'ils ne se sont pas rachetés correctement et convenablement. Et malgré cela, il se peut qu'Allah Azzawajal leur accorde son pardon par pure bonté et bienfaisance de sa part, subhanahu wa azzawajal. Voilà pourquoi on dit que les noms d'Allah Azzawajal liés au pardon et à l'absolution renferme et renvoie vers les noms d'Allah Azza wa Jal liés à la miséricorde et à la bienfaisance, tels que le pardonneur, le très miséricordieux, le bienfaiteur, le généreux, le pourvoyeur, le doux, le compatissant et le très bienfaiteur. Allah Azza wa Jal est plus sage et plus savant. Le plus important de tout ce qui a été dit, c'est de se rappeler que nous parlons des noms d'Allah Azza wa Jal, les noms, les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, des noms merveilleux, des noms divins. Et une fois de plus, parmi leurs attributs, parmi les choses qui font leur grandeur, leur beauté, leur majesté, leur perfection, c'est que ils s'emboîtent les uns les autres, ils renvoient les uns vers les autres, ils se soutiennent les uns les autres et se complètent les uns les autres. Wallahu azza wa jal, a'la wa a'lam. Donc le second point que nous allons voir, incha'Allah azza wa jal, c'est le recensement de ces noms. De ces noms, le très pardonneur, le grand pardonneur, le pardonneur et l'absoluteur. Comment recenser ces noms? Le recensement de ces noms merveilleux s'accomplit par la permission d'Allah, élevé soit-il, en réalisant les points suivants. Premièrement, les connaître et les mémoriser. Deuxièmement, les connaître, ou bien connaître leur sens et leur implication. Et troisièmement, adorer Allah, élevé soit-il, au moyen d'eux. Nous avons cité à plusieurs reprises que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Celui qui les recense rentrera au paradis. Que veut dire celui qui les recense? Que veut dire recenser les noms d'Allah? Nous avons dit à plusieurs reprises que ceci renferme trois choses. Pour recenser les noms d'Allah, il faut trois éléments. Le premier élément, c'est les connaître. Connaître leur sens. Non, les connaître et les mémoriser. Deuxièmement, connaître leur sens et leur portée. Et troisièmement, adorer Allah Azza wa Jal à travers ces noms. Connaître ces noms, pour un arabophone, ceci est simple, alhamdoulilah. Celui qui lit un peu le Coran et un peu les hadiths, il sait que parmi les noms d'Allah, il y a le Ghafour, il y a le Ghaffar, il y a le Ghafir et Al-Afou. Mais il se peut que certaines personnes qui ne sont pas arabophones, qui ne connaissent pas ces noms, peut-être ils les connaissent dans une autre langue, mais il convient de les connaître dans notre langue pour comprendre le sens, mais aussi il est bien de les apprendre en arabe. Il y a plus d'espérance en les apprenant en arabe que en ne pas les connaître en arabe. Donc il faut les connaître et les mémoriser. Deuxièmement, il faut connaître leur sens et leur portée. Donc que veut dire le pardonneur? Le pardonneur veut dire telle et telle chose. Que veut dire l'absoluteur? L'absoluteur veut dire telle et telle chose. Ensuite, leur portée. Qu'implique le nom le pardonneur? Qu'implique le nom l'absoluteur? Et il faut connaître le maximum de choses qu'on peut connaître de cela. Troisièmement, adorer Allah Azza wa Jal au moyen ou bien à travers ses noms. C'est bien de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal et c'est bien de connaître leur sens et leur portée. Mais le but principal, c'est de mettre cela en application dans ta croyance et dans ta pratique. Cet élément, ce troisième élément, se décompose en trois sous-éléments. Le premier, c'est affirmer à Allah, élevé soit-il, ses noms de manière conforme à sa perfection, à sa majesté, à sa beauté. Affirmer également les attributs qui en découlent, ainsi que les sens et les implications qu'il comporte, sans altération, sans négation, sans assimilation. Et sans définir le comment. Le premier élément, c'est attribuer à Allah Azza wa Jal les noms qu'il s'y attribue lui-même. Allah s'est nommé, s'est décrit comme étant le grand pardonneur. Ne va pas dire toi non, son nom, c'est pas le grand pardonneur, c'est juste autre chose. Non, Allah s'est décrit comme étant le grand pardonneur, alors tu dis que Allah c'est le grand pardonneur. Le grand pardonneur, c'est un nom. Ce nom a forcément un sens. Si Allah s'y attribue ce nom, cela veut dire qu'il s'y attribue également l'attribut qui découle de ce nom. Alors cet attribut, tu dois également l'attribuer à Allah Azza wa Jal. Tu dois l'affirmer pour Allah Azza wa Jal. Allah, c'est le pardonneur, avec les trois variantes. Donc c'est celui qui pardonne. Allah a comme attribut le fait de pardonner à ses serviteurs. Également, on doit attribuer à Allah Azza wa Jal et affirmer la portée de ses noms. Comme nous avons dit précédemment, ces noms ont un sens et ont une portée. Cette portée également est voulue par Allah Azzawajal. Donc on doit croire à cette portée et on doit l'affirmer pour Allah subhanahu wa azzawajal. Et le fait d'attribuer à Allah azzawajal ses noms et ses attributs doit se faire de façon, de manière qui convient, qui est conforme à la perfection d'Allah azzawajal. Et qui convient à sa perfection, à sa majesté et à sa beauté. Cela veut dire que lorsque tu dis que Allah azzawajal c'est le pardonneur, il faut que tu lui attribues ce nom et son sens de manière à ce que cela convienne à notre Seigneur. Cela convienne à sa seigneurie, à sa grandeur, à sa suprématie, au fait que ce soit Allah le Seigneur des mondes. Il ne faut pas que tu détermines le sens de manière à ce que cela ne convienne pas à Allah. Pourquoi nous disons cela? Parce que malheureusement, il y a des groupes égarés dans la Aqida qui ont déformé les noms d'Allah ou bien les sens des noms d'Allah. Ceux qui ont déformé les noms d'Allah, c'est les mouchriquins. Ils ont dit Uzair, ils l'ont pris de Aziz. Manat, ils l'ont pris de Allah. Manat, Lat wa Manat wa Uzza. Uzza c'est l'Aziz. Lat ils l'ont pris d'Allah. Et Manat ils ont pris de Al-Mannan. Donc ils ont déformé les noms d'Allah Azzawajal pour en tirer d'autres noms. Et ça fait partie d'une déviance dans les noms d'Allah Azzawajal. On n'a pas le droit de faire cela. D'autres personnes qui sont affiliées à la communauté musulmane n'ont pas modifié les noms en soi, mais ils ont modifié les sens. Par exemple, le fait qu'Allah Azzawajal aime. Nous, on sait qu'Allah Azzawajal aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et Allah aime ceux qui se purifient. Allah s'est décrit lui-même comme quoi il aime. Certaines personnes ont dit que aimer, c'est le penchant du cœur. Et on ne peut pas dire que Allah a un cœur et son cœur penche. Alors aimer, ça ne veut pas dire aimer quand on est. Aimer, c'est un attribut d'Allah. Et on ne dit pas qu'Allah aime. Pourquoi? Parce que si on dit qu'Allah aime, ça veut dire qu'on dit qu'Allah a un cœur et ce cœur penche, tout. Non, ça ne convient pas. L'erreur de ces personnes, c'est qu'ils ont imaginé le sens des noms et des attributs. Première erreur. Ensuite, ils ont renié les sens et attributs. Et attributs qu'Allah s'est attribué à lui-même, à sa personne. Alors que les gens de la sunna disent non. Allah a dit qu'il aime, nous on dit qu'Allah aime. Mais comment aime-t-il? Il aime d'une manière qui convient à sa grandeur, à sa majesté, à sa seigneurie, à sa divinité. Elle ne ressemble pas à notre amour à nous qu'on peut avoir. Nous, on est des êtres humains, on a une main. Allah Azzawajal a une main. Et la main d'Allah Azzawajal n'est pas comme la main du serviteur. Et la différence entre la main d'Allah Azzawajal et la main de ses serviteurs est comme la différence du créateur face à la créature. Allah Azzawajal a une science. Les gens ont une science. Sont-ils la même science? Certes non. La science d'Allah Azzawajal est digne de lui et convient à sa grandeur, sa suprématie, sa beauté, alors que la science de ses serviteurs leur convient, eux, elle est limitée comme eux. Donc, lorsqu'on attribue à Allah Azzawajal ses noms liés au pardon et à l'absolution, on les attribue de manière qui convient à Allah Azzawajal. De manière comme lui s'est attribué ses attributs. On lui attribue de manière conforme à sa perfection, à sa majesté et à sa beauté. Sans altération, ni négation, sans assimilation et sans en définir le comment. En ce qui concerne Allah Azzawajal, il ne faut jamais dire comment. Comment Allah fait ceci, comment Allah est ceci et cela, comment Allah descend au dernier tiers de la nuit, tout comment, il faut l'enlever du vocabulaire du musulman vis-à-vis de notre Seigneur et Créateur. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal ne nous a pas décrit le comment. Il nous a décrit comment lui il est, un certain nombre de choses le concernant, et du coup nous on doit lui attribuer ce qui s'est attribué, et on doit se taire dans ce qu'il n'a pas cité. Et on doit laisser cela. On comprend le sens, mais la définition du comment, personne ne le saura jamais. Parce que personne ne cerne Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, se rapprocher d'Allah par ses noms dans l'invocation et par les attributs ou par les attributs qui en sont dérivés. Le louer par cela et lui demander qu'il te traite conformément à ses attributs, c'est-à-dire qu'il te pardonne, qu'il t'accorde son indulgence. Comment adorer Allah Azza wa Jalla à travers ses noms? Parmi les éléments nécessaires, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla, de se rapprocher de lui, de faire acte de dévotion en utilisant ses noms. Nous savons que Allah Azza wa Jalla aime les louanges, aime qu'il soit loué, qu'il soit magnifié. Alors on doit louer Allah Azza wa Jalla et le magnifier en citant ses noms et ses attributs. Et si on veut avoir le recensement de ces noms, liés au pardon et à l'absolution, on doit les utiliser. Oh Allah, c'est toi le seul et l'unique, tu n'as pas engendré, tu n'as pas été engendré, tu es l'absolu As-Samad, tu es le vivant, celui qui n'a besoin de rien et celui dont toute sa création a besoin de lui, et tu es le grand pardonneur, le très pardonneur, tu es le très miséricordieux, le grand miséricordieux, et ainsi de suite. Donc tu le loues, tu fais ses éloges en utilisant ses noms. Et à travers cela, tu auras fait une partie de comment tu dois adorer Allah Azzawajal. Aussi, Allah Azzawajal a dit dans le Coran que Allah Azzawajal a les plus beaux noms, invoquez-le avec. Ça veut dire que le serviteur doit invoquer Allah Azzawajal avec ses beaux noms. Et bien évidemment, on doit avoir du respect vis-à-vis de ces noms. Tu veux du rizq. Tu veux du rizq, tu veux une subsistance. Ne va pas dire, ô toi le pardonneur, donne-moi du rizq. Tu vas dire, ô toi mon Seigneur, donne-moi le rizq. Ô toi Allah, donne-moi le rizq. Ô toi pourvoyeur, donne-moi le rizq. Ô toi qui détiens les richesses de toutes choses, donne-moi du rizq. Mais tu ne vas pas dire, ô toi qui saisis les mécréants d'une saisie difficile, donne-moi du rizq. Ça ne convient pas. Donc tu dois utiliser le nom approprié à ta demande. Donc, tu as fait un péché, tu viens repentant, tu demandes le pardon d'Allah, tu utilises les noms du pardon et de l'absolution. Et à travers cela aussi, tu demandes ce qui découle de ces noms. Qu'est-ce qui découle de ces noms? Le pardon d'Allah Azzawajal? Alors tu demandes, Ya Allah, ô toi le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô toi le grand pardonneur, le très pardonneur, l'absoluteur, pardonne-moi mes péchés. Donc il faut que tu demandes à Allah Azzawajal qu'il t'englobe à travers ce qui découle de ces nobles noms, subhanahu wa ta'ala. Donc, comment mettre en pratique dans la vie de tous les jours l'adoration d'Allah Azzawajal à travers ces noms merveilleux liés au pardon et à l'absolution des péchés? Le premier de tout cela, donc ça c'est l'aspect pratique de ce cours. Le premier de cela, c'est le fait de savoir qu'Allah, élevé soit-il, sait tout ce que font les serviteurs, même lorsque s'y réunissent toutes les formes de dissimulation. Il sait ce que les serviteurs accomplissent comme acte interdit et il connaît leurs mauvaises intentions qui transforment les actes licites de base en actes interdits. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, que vous manifestiez une chose ou que vous la dissimulez, alors Allah est de toutes choses parfaitement savant. Allah azzawajal, c'est le pardonneur et l'absoluteur. La première chose qu'on comprend, qu'on apprend de cela, c'est qu'il sait toutes choses. Pour pardonner tes péchés, il faut qu'il les connaisse. Et Allah sait toutes choses. Donc, Allah Azzawajal connaît les péchés de tous ses serviteurs un par un. Il connaît les péchés qui sont accomplis ouvertement et il connaît les péchés qui sont accomplis de manière préservée, cachée. Il connaît les péchés qui sont de base des péchés, comme voler, comme mentir, comme insulter, etc. Et il connaît aussi les péchés qui de base sont de bonnes actions, mais ils ont été transformés en péché par l'intention subtilement cachée dans le cœur. Et des fois même, la personne n'en est même pas sûre, ou la refoule, la repousse, mais Allah le sait. Donc, si on imagine un endroit, un lieu où il y a la plus grande concentration de personnes, d'êtres humains et d'animaux, et qu'une personne dans ce lieu-là venait à se cacher sous terre, dans une pièce renforcée, dans une obscurité absolue, sans qu'il n'y ait rien ni personne qui peut savoir ou voir ce qu'il fait, et qu'il fait ce qu'il fait avec subtilité, de manière à ce que personne n'entende de son quel qu'il soit, et que la pièce ne comporte rien, ni une table qui va témoigner sur lui, ni une bouteille qui va témoigner sur rien, il n'y a que lui. Et s'il venait à faire un péché, Allah connaît son péché, Allah sait son péché, Allah voit son péché. Allah sait toute chose. Plus encore, Allah Azza wa Jal sait quand le serviteur fait une bonne action avec une mauvaise action. Combien parmi nous faisons de bonnes actions? Mais au fait, qui parmi nous fait une bonne action avec une bonne intention? Avons-nous la confiance, la sûreté que ce qu'on fait est fait sincèrement? N'y a-t-il pas dans le cœur des choses qui font que « Ah oui, regarde, les gens me voient. Ah oui, t'as vu, les gens disent du bien de moi. Ah oui, t'as vu, je vais prouver aux gens que j'ai plus de science. Je vais prouver aux gens que je suis pieux. » Ça, c'est des choses qui sont subtilement cachées dans les fins fonds profondeurs du cœur. Allah les sait, subhanahu wa ta'ala. Parmi les preuves de cela, il y a le hadith dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté que les trois premières personnes qui rentreront en enfer, c'est un savant, une personne qui est morte dans le djihad fisabilillah, une personne qui faisait l'aumône. Aux trois, Allah Azza wa Jal exposera ses bienfaits sur eux. Une fois qu'il leur exposera ses bienfaits, ils reconnaîtront les bienfaits d'Allah sur eux. Après, il leur dira, qu'avez-vous fait avec tout cela? La personne qui est morte en martyr dira, oh Allah, j'ai combattu dans ton sentier pour élever, pour défendre, pour propager ta parole jusqu'à ce que je suis mort. Quelle belle action! Mais Allah dira, il ment. Tu as certes fait ce que tu as fait pour que les gens disent que tu étais courageux. Ça a été dit. Tu as pris ta récompense. Tu voulais qu'on dise, on a dit. Et maintenant chez moi, tu n'as rien. Emmenez-le en enfer. Le savant, un savant, on ramènera un savant. Qu'as-tu fait dans les bienfaits que je t'ai octroyés? Oh Allah, j'ai appris la science pour ta face, je l'ai propagé pour ton visage, pour ton agrément. Il ment. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu étais un savant. Ça a été dit. Les gens ont dit que tu étais un savant. Pas de récompense auprès de moi. Parce que tu n'as pas voulu ma face. Tu as voulu qu'on dise, ça a été dit. Mais chez moi, tu n'auras rien. Emmenez-le en enfer. La troisième, la personne qui faisait des aumônes et qui donnait de l'argent dans les sentiers d'Allah Azza wa Jal, qu'as-tu fait? Oh Allah, il n'y a pas un sentier parmi les sentiers que tu aimes sans que je ne donne de l'argent. Pour ta face, pour ton agrément. Tu mens, ou bien il ment. Tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. Ça a été dit. Chez moi, tu n'auras rien. Emmenez-le en enfer. Donc, même la bonne action qui est accomplie, qui est propagée, qui est répandue auprès des gens qu'un tel fait telle bonne action, même avec des caméras, même avec des caméras infrarouges, même avec toutes les technologies que tu veux, les gens ne sauront pas ce qu'il y a dans ton cœur. Même si une fois tu fais la prière derrière un imam, il récite bien et tu pleures et tout, les gens ne sauront pas ce que tu pleures parce que tu crains Allah et ton cœur a été titillé par ces versets. Ou bien tu t'es rappelé ta mère et tu as pleuré par miséricorde à ta mère, ou pas, tu as pleuré par tristesse d'avoir perdu ta mère. Tu pleures par tristesse de ta mère, c'est pas comme tu pleures par crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est pas le même jugement. Et plus grave encore, c'est si tu pleures pour que les gens disent « Ah oui, il est pieux, il comprend le Coran, il est arabophone, il connaît le tafsir, et. » Donc, Allah Azza wa Jal connaît toutes choses. Et parmi ce qu'il connaît, c'est les péchés qui ont réuni toutes les causes de dissimulation. Et parmi ceux-là, les bonnes actions qui sont faites avec une mauvaise action, avec une mauvaise intention, qui les transforme de ce fait en tant que mauvaise action. Allah Azza wa Jalla a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, que vous manifestiez une chose ou que vous la dissimuliez, alors Allah est de toutes choses parfaitement savant. Allah sait ce qui est fait ouvertement, publiquement, et il sait aussi ce qui est fait de manière dissimulée, subhanahu wa ta'ala. Le second élément de par lequel doit le serviteur adorer Allah, c'est l'objet de traverser, non, lié au pardon et à l'absolution des péchés. C'est le fait de savoir qu'Allah, élevé soit-il, efface les péchés et les pardonne. Quel que soit leur nombre, leur gravité et leur répétition, aucun péché n'est trop immense pour qu'il ne puisse le pardonner, pour qu'il ne puisse pas le pardonner. Entre dans cela la mécréance, l'associationnisme, l'innovation religieuse, les péchés majeurs et les péchés mineurs. Ce qui nourrit en toi l'espoir en Allah, la bonne opinion de lui et ne pas désespérer de sa miséricorde. Chose qui consolide en toi la ferme résolution de faire des efforts pour réformer ta personne, te repentir et revenir vers ton Seigneur. Et nous avons un bon exemple dans l'histoire de celui qui a tué 99 personnes. Allah Azza wa Jalla a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est, lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que le châtiment ne vous atteigne, puis vous ne serez point secouru. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, des gens parmi les polythéistes avaient tué un grand nombre de personnes et avaient commis la fornication en grand nombre. Puis ils vinrent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dirent « Certes, ce que tu dis et ce à quoi tu appelles est bon, mais informe-nous donc s'il existe une expiation pour ce que nous avons accompli. » Alors furent révélés les versets suivants, selon la traduction approximative et rapprochée du sens du Coran, « Et ceux qui n'invoquent pas, en dehors d'Allah, une autre divinité, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice, et qui ne commettent pas la fornication, quiconque fait cela rencontrera une sanction. Le châtiment lui sera multiplié le jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement humilié. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une œuvre pieuse, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions, et Allah est pardonneur très miséricordieux. » Il fut également révélé le verset « Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Allah s'est décrit, s'est nommé en tant que grand pardonneur, très pardonneur, l'absoluteur. Cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal pardonne réellement, effectivement, les péchés. Allah Azza wa Jal efface et pardonne les péchés, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur gravité et quelle que soit leur répétition. Et il n'y a aucun péché qui est tellement grand, trop grand pour qu'Allah ne puisse le pardonner. Ça n'existe pas un péché qui est impardonnable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, c'est lui qui juge est-ce qu'il pardonne ou pas. Mais personne ne peut faire un péché qui est trop grave pour qu'Allah Azza wa Jalla ne puisse le pardonner. Ou trop grand qui dépasse la miséricorde d'Allah. Mais que ce soit des petits péchés minimes ou des grands péchés majeurs, ou bien des péchés capitaux, que ce soit l'innovation, que ce soit la mécréance, l'apostasie, ou bien l'associationnisme. Toute erreur de quelque forme qu'elle soit, de quelque gravité qu'elle soit, Allah peut la pardonner s'il le veut. Dans le hadith divin que nous avons vu précédemment, Allah a dit: si mon serviteur vient à moi avec l'équivalent de la terre toute remplie de péchés, je viendrai à lui avec l'équivalent de toute la terre remplie de pardon. Allah pardonne tout, même les choses graves, sous condition. Le fait de dire cela, qu'Allah Azzawajal pardonne tous les péchés, même les grands péchés, même les péchés capitaux, même le shirk et le kufr et la bid'a, cela veut-il dire que, allez, venez, on les fait tous, et après on se repent et Allah nous pardonnera? C'est ça le but, c'est ça le sens, c'est ça la portée de ces propos? Certes non. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, qui te dira que tu seras guidé pour être repenti, pour te repentir? Le repentir, c'est une chose qu'Allah, c'est un succès qu'Allah accorde à qui il veut. Tu sais pas qu'il y a des personnes qui sont mortes alors qu'ils étaient ivres? Tu sais pas qu'il y a des morts qui, il y a des personnes qui sont mortes alors qu'ils étaient dans le lit du péché? Tu sais pas qu'il y a des personnes qui sont mortes alors qui commettaient un vol, un meurtre ou un casse ou autre chose? Tu sais pas qu'il y a des gens qui sont morts alors qu'ils sont morts d'overdose? C'est connu. Donc qui te dit que toi tu seras épargné si tu fais ces péchés et que tu pourras te repentir? Tu n'as aucune assurance. Et qui, si tu viens te repentir, qui te dira que ton repentir sera accepté? Quelle garantie que tu as? Peut-être que ton intention ne sera pas saine, pure, véridique. Et Allah sait ce que les gens ne savent pas. Donc, lorsqu'on dit cela, ce n'est pas un appel à commettre les péchés, majeurs ou mineurs. Non, au contraire. Lorsqu'on dit qu'Allah pardonne, on dit qu'Allah pardonne à qui il veut. Et tu ne sais pas, est-ce que Allah voudra te pardonner à toi spécifiquement pour ce péché que tu as fait, petit ou grand, majeur ou mineur. Donc, pourquoi dire qu'Allah est pardonneur? On dit qu'Allah est pardonneur, cela nourrit en toi l'espoir en Allah et la bonne opinion de lui afin que tu ne désespères pas de sa miséricorde. Si tu savais que Allah ne pardonnerait pas les péchés, et tu verras que tu as fait des montagnes de péchés, tu diras que moi, ça y est, je suis cuit, je suis fait, je suis fini. Mon sort est scellé. Si j'ai fait tant et tant de choses, jamais je pourrai faire l'équivalent en bonne action. Moi, je suis une personne, un simple croyant. J'ai fait tous ces péchés qui sont hyper lourds dans la balance. Alors je suis foutu. Tant qu'à faire, je profite de mes derniers jours et je les fais tous. Comme ça, au moins, pendant le temps de ma vie sur Terre, j'aurai fait ce que j'aurai fait et après, je subirai ce que je subirai. Parce que son sort pour lui est scellé. Alors, il perdra espoir en Allah. Allah, celui qui a les meilleurs attributs, les plus beaux attributs. Et parmi ses attributs de majesté, de beauté et de grandeur, c'est qu'il pardonne toutes choses. Et qu'il ne veut pas châtier ses serviteurs. Il ne veut pas que ses serviteurs aillent en enfer. Au contraire, il veut leur miséricorde et leur pardon, et leur accorder sa clémence. Alors, lorsqu'Allah Azzawajal informe ses serviteurs qu'il est pardonneur, cela a pour but de nourrir l'espoir dans leur cœur, d'avoir cette lueur d'espoir et avoir une bonne opinion de lui. J'ai fait ces grands péchés, mais sa miséricorde est bien plus grande que mes péchés. J'ai fait des choses abominables, mais son absolution, sa miséricorde est bien plus grande, bien meilleure, bien plus profonde. Il peut me pardonner, moi qui ai fait, oui, il peut te pardonner, toi qui as fait. Aussi grand, aussi grave que ce que tu as fait. Sauf qu'il y a des conditions à respecter. Et lorsque le serviteur a cet espoir, ah oui, je peux, ça veut dire que je ne suis pas foutu, il y a l'espoir que j'évite l'enfer. Bien sûr qu'il y a un espoir, il y a le plus grand des espoirs. Et que je dois faire? Mets-toi sur le droit chemin. Repens-toi, fais les bonnes actions, multiplie. Alors classe, la personne te dit, voilà, je ne sais pas combien je vais vivre, alors il faut que je carbure. Je fais le maximum de bonnes actions. Je me repens nuit et jour. Je pleure toutes les larmes de mon corps. À tout moment. Et il se réforme. Et peut-être il dépassera plein et plein et plein de personnes au paradis. De par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dans l'histoire de celui qui a tué 99 personnes, le bon exemple. Il a tué 99 personnes. Il a demandé une personne qui le conseille, qui l'oriente. On l'a envoyé vers un dévot, une personne qui pratique mais qui ne connaît pas, qui n'a pas la science. Il lui a dit, il a tué 99 personnes, est-ce qu'il peut se repentir? Je lui ai dit, oh, après 99 meurtres, donc tu es un serial killer, et maintenant tu veux venir comme ça, je me repens. Comme ça, ce que tu as fait est pardonné. Non, ce n'est pas possible. Comme si le monde s'est obscurci devant lui. Il a perdu espoir. Un de plus, un de moins, c'est la même chose. L'éternité en enfer, alors voilà. Il a tué la centième personne. Après, Allah Azzawajal a remis dans son cœur l'intention de se repentir. Il a demandé à un conseiller, une personne qui l'oriente, qui l'informe. On l'a renvoyé vers un savant. Il a dit, il a tué 100 personnes, est-ce qu'il peut se repentir? Personne lui dit, et qui s'opposera entre toi et la miséricorde d'Allah? Lumière, ouverture, espoir. Qui peut interférer dans la miséricorde d'Allah? La miséricorde d'Allah qui embrasse toutes choses et qui est le seul et l'unique qui décide à qui il accorde, à qui il l'empêche. C'est ni un dévot, ni un savant, ni un pieux qui maintient ça. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui le maintient, qui décide. Personne ne peut s'interférer entre toi et la miséricorde d'Allah. Il lui a dit juste que là, tu es dans une ville où tu as fait tous ces péchés-là, tu as des mauvaises compagnies et tout, va dans une autre ville et adore Allah avec les serviteurs qui adorent Allah là-bas. Il a fait l'effort. Il a laissé famille, amis, argent, biens, habitudes, confort. Il a tout laissé. Il est parti. Avant même d'arriver à destination et avant même de se mettre à adorer Allah Azza wa Jalla, il mourut. Et Allah envoya les anges de la miséricorde pour prendre son âme. Et là, très assurément, il jouit des bienfaits du paradis dans sa tombe. Et voyez l'évolution. La première personne lui a dit qu'il n'y a pas d'espoir. Il a continué à faire les péchés. Et les grands péchés, il a tué une énième personne. Quand on lui a ouvert la porte de l'espoir, on l'a fait naître dans son cœur. Khalas. Il est parti repentant vers son Seigneur. Et Allah Azza wa Jalla a fait un miracle pour lui accorder sa miséricorde. Tellement Allah Azza wa Jalla aime les repentants. Il a raccourci une portion de la terre, il a allongé une autre portion de la terre pour qu'il soit plus proche de la ville des gens pieux que de la ville des gens de la perversité. Hajib. On l'a juste mis dans son cœur. L'espoir, voilà ce qu'il a fait et voilà ce qu'a fait son Seigneur, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Comme quoi il pardonne, il embrasse de par sa miséricorde toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset selon la traduction, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments. On ne parle pas d'une personne qui a fait un petit péché, il est parti au magasin, il a pris un bonbon en douce, il a mangé. On ne parle pas d'une personne qui est rentrée dans un magasin, il a pris un ustensile, un verre ou une assiette, il l'a cassé, il l'a remis, oh, ils ont une assurance, t'inquiète, et il part. On ne parle pas des personnes qui ont fait des petits péchés comme ça, douteux. On parle des personnes qui ont fait des excès, ils ont exagéré dans les péchés. Allah leur a dit quoi? À ceux-là, il leur a dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Parce que la miséricorde d'Allah est beaucoup plus grande que toute chose. Certes, Allah pardonne, il n'a pas dit pardonne les péchés, il a dit pardonne tous les péchés. Il est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés et il est le pardonneur, le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Que de l'espoir. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui vous est demandé? Et revenez repentant vers votre Seigneur. Donc Allah, lorsqu'il a fait naître, lorsqu'il a mis l'espoir dans le cœur des gens, ces gens avaient la capacité d'œuvrer. Et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous atteigne, puis vous n'aurez pas de secoureur. Vous ne serez pas secouru. Abdullah ibn Abbas, le noble compagnon, rapporte que des gens parmi les polythéistes avaient tué un grand nombre de personnes et avaient commis la fornication en grand nombre. Ils ont fait les plus capitaux des péchés capitaux. L'associationnisme, le kofr, le meurtre et la fornication. Et tout en grand nombre. Ce n'est pas une seule fois, une erreur. Non, ils ont fait, ils ont répété. Ils sont venus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dire, certes ce que tu dis et ce à quoi tu appelles est bon, c'est beau ce que tu dis, ta religion c'est une belle religion. Mais nous on a les bagages trop lourds. Si tu nous dis que si on te suit avec nos bagages, on ira dans l'autre côté, ça ne sert à rien. Pourquoi on embrasse ta religion? Pourquoi on te suit? Si pour la finalité on va en enfer. Mais si tu nous dis qu'il y a de l'espoir, alors là... Suite à leur questionnement, Allah Azzawajal a révélé les versets suivants. Et ceux qui n'invoquent pas en dehors d'Allah une autre divinité, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice, et qui ne commettent pas la fornication, donc ça, il a parlé des personnes pieuses, il les a décrits, quiconque fait cela rencontrera une sanction. Quiconque fait ses péchés, le kofr ou le shirk, le meurtre ou bien la fornication. Quiconque fait cela aura une sanction, un châtiment. Le châtiment lui sera multiplié le jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement humilié. Celui qui fait ces trois choses. On aurait cru que ça y est, c'est mort. Le sort est scellé de celui qui a fait ces trois choses. Mais Allah Azza wa Jal a dit... Sauf, sont exceptés de ce sort, sauf ceux qui se repent, croient et accomplit une œuvre pieuse. Cela, Allah leur pardonnera? Non, il ne leur pardonnera pas. Il fera bien mieux. Il changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Imaginez. Imaginez. La grandeur et la lourdeur de ses péchés, le kof, le meurtre, la fornication, comment c'est lourd dans la balance. Et imaginez que s'ils sont transformés de la balance du côté des mauvaises actions et qu'ils soient mis du côté des bonnes actions, imaginez combien ça sera lourd. Donc vous voyez, ceci fait naître l'espoir. Et ça nourrit la volonté, la volonté de faire des bonnes actions. Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et suite à cet événement avec ces personnes qui voulaient se repentir, Allah a également révélé le verset que nous avons cité tout à l'heure. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc la morale de tout cela, c'est qu'Allah est pardonneur, grand pardonneur, très pardonneur. Il absout les péchés. Tous les péchés, aussi graves soient-ils, tels que le shirk et même l'apostasie, Allah pardonne. Mais c'est lui qui décide à qui il accorde son pardon et son absolution et sa miséricorde. Mais il faut savoir que ceci est possible. Pour espérer avoir cela, il faut montrer à Allah Azzawajal le meilleur de soi-même. Tu montres à Allah le meilleur de toi-même, Allah Azza wa Jal t'accordera le meilleur de ce qu'il peut accorder à ses serviteurs. De ce fait, jamais, au grand jamais, ne juge une personne qui est dans les péchés et que tu dis, lui, il va subir en enfer. Attention, crains Allah, Cette personne peut rentrer des années-lumière avant toi au paradis. Et elle peut être à une hauteur d'années-lumière dans les hauts degrés du paradis de toi. C'est Allah qui décide, ce n'est pas toi. Tu peux dire que cette personne se risque à un châtiment. Il est à craindre que cette personne subisse. Mais ne juge pas, ce n'est pas entre tes mains. Et de même, lorsqu'une personne vient vers toi, vers de tels péchés, ou que tu parles à une personne qui fait ses péchés, essaye de faire nourrir l'espoir dans le cœur de cette personne. Peut-être qu'avec, quand il sent qu'il y a de l'espoir, peut-être qu'il va revenir. Et combien y a-t-il d'histoires à ce sujet-là? Combien y a-t-il d'histoires? Énormément d'histoires. Et vous en connaissez beaucoup. Donc, ton but, c'est de faire peur aux gens qui vont les pécher. C'est obligatoire. Tu leur dis, vous risquez gros. Sauf qu'il y a possibilité. À condition que... Il ne faut pas minimiser les péchés. Il ne faut pas dire, non, c'est rien ce que tu as fait. Tu as tué une personne, allez. Tu es passé en prison 30 ans. Là, c'est belle. Tu as payé ta dette. Il a payé sa dette sociale au niveau de l'État, ça c'est une chose. Mais sa dette envers Allah, c'est aujourd'hui sa dette envers les serviteurs ou bien la victime n'a pas été purgée. Donc il ne faut pas minimiser le péché. Même si le vol d'un bonbon, moi j'ai minimisé le vol d'un bonbon dans une super grande surface, mais en fait il ne faut pas minimiser les petits péchés. Nous avons vu ça précédemment. Donc tu ne minimises pas les péchés, tu minimises pas les péchés, tu ne dédramatises pas les péchés, mais en même temps, tu essayes de faire naître l'espoir en la personne. Et que tu lui fais comprendre que l'espoir est conditionné par le repentir et les bonnes œuvres. Tu fais cela, tu auras fait une des meilleures da'wah qui puisse exister, Inch'Allah Azza wa Jal. Tu auras suivi le bon chemin de l'enseignement et de l'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons notre Seigneur et Créateur le Tout, subhanahu wa sawajal, de nous accorder à nous tous, à nos parents, à nos familles, à ceux qu'on aime et ceux qui le méritent, sa miséricorde, sa clémence et son paradis. Hada wallahu a'lam, barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il y a des questions, sinon. Le bot. Ah. Est-ce qu'une personne peut avoir une mauvaise intention dans son cœur lors d'une adoration sans le savoir? Et comment se débarrasser des mauvaises intentions? L'intention, la personne pose une question, est-ce qu'une personne peut faire une bonne action et avoir une mauvaise intention sans qu'elle le sache? Et comment faire pour se débarrasser des mauvaises intentions? Comme on dit en arabe, « Hada marbatul faras ». C'est là le cœur du sujet. Parce que, comme a dit le prophète, et c'est pour ça que les savants ont dit que ce hadith est d'une très grande valeur en islam, les actes ne valent que par leur intention. Innamal a'malu binniyat. Voilà pourquoi la toute première chose que doit travailler le serviteur, c'est son intention. Et il faut travailler en tout premier, avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte. Et tu dois le faire depuis que tu es conscient de cela jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois comment tu fais des efforts pour prier, pour jeûner, pour éviter des péchés. Tu dois faire autant et plus par rapport à ton intention. C'est le combat ultime. Parce que l'intention, juste, ah oui, il me regarde. Tout est parti. Ah oui, je vais faire ça pour qu'on dise du bien de moi, comme ça on va me marier facilement. Classe! On va te marier ou on va peut-être pas te marier. Et ta prière est partie comme ça. Et ton djilbab, il est parti comme ça. Et ta barbe est partie comme ça. Et ta prière à la mosquée est partie comme ça. Parce que juste, tu voulais que les gens me voient comme ça, ils vont dire du bien de moi. Là, tu as tout perdu. Donc, il faut essayer et œuvrer et se former. Je trouve pas le temps. Se réformer encore et toujours au niveau de son intention. C'est pour ça que les bonnes actions, il faut les faire en cachette. Tu dis pas. Un exemple. Ça peut se faire d'une manière différente, hein, mais un exemple. Dans une mosquée, on dit, voilà, les frères, on a besoin d'aide financière pour la mosquée. Et toi, tu veux donner une grande somme. Tu vas pas dire, hé, le hadj, viens, tiens 500 euros. Tu peux être sincère, tu peux. Mais tu peux ne pas l'être. Il y a un risque. Tu sais, c'est la mosquée de tel quartier, Malich. Tu rentres. Tu laisses les gens. Ah oui, toi, tu ne donnes pas. Tu as de l'argent. Tu es avec une Tesla et tout. Tu ne donnes même pas 10 euros. Ils parlent de toi. Quand tu vas à la maison, tu cherches le site. Tu rentres ta carte bancaire ou ton RIB ou le RIB et tu envoies un virement. Un PayPal ou autre chose. Ils peuvent ne même pas savoir qui tu es. Et tu as donné. Quelle belle chose. Le prophète Ali Sassam a dit que parmi les sept qui seront sous l'ombre d'Allah Azzawajal Yom Qiyamah, c'est celui qui donne une sadaqa et qui la cache de manière à ce que si sa main droite donne une sadaqa, sa main gauche ne sait même pas. Il a été rapporté, et Allahu A'lam, que Ali ibn Abi Talib, des fois, il priait. Et pendant la prière, il y avait des personnes qui demandaient de l'aumône, il leur donnait l'aumône alors qu'il était en prière. Donc, il faut faire les efforts pour couvrir tes actes. Quand tu jeûnes, pendant le jour de jeûne, une personne te dit, viens, on va manger ensemble, je te propose un café. Ah non, excuse-moi, tu sais qu'aujourd'hui c'est lundi. C'est lundi aujourd'hui. Ah oui, ça veut dire que chaque lundi, tu jeûnes, donc il faut que... Non. Tu dis, je viens de boire un café. Ça fait pas longtemps que j'ai bu un café. Tu l'as bu avant le Fajr. Il est où le souci? La vie est courte. Viens manger quelque chose. Oula, ça fait pas longtemps que j'ai mangé. T'as mangé quoi? Un bout de pain avec du lait, juste avant, j'avais pas le temps, c'est ce que j'ai mangé. T'as mangé, t'as pas menti. T'as fait un effort pour couvrir. Et après, tu cherches, ah oui, mais si je dis ça, est-ce que Allah Azza wa Jal accepte de moi? Toujours tu travailles. Tu travailles ton attention, tu cherches. Tu vas à la mosquée, tu es le premier dans le premier rang, derrière l'imam. Forcément, une attention, un ouswas va venir vers toi. Ah oui, derrière l'imam, mashallah, donc tu es venu le premier, donc. Il fait ça juste pour annuler tes œuvres. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être dans le premier rang derrière l'imam. Non, sois dans le premier rang derrière l'imam. Et viens tôt. Et quand c'est l'heure de faire une nafila, tu fais une nafila. Mais il faut combattre ce nafs et ce shaitan. Il faut repousser. Et il faut faire en sorte que, surtout ce qui est bien, c'est la méditation, la réflexion. Si un tel, notre frère Zakaria, voit que je fais une nafila, qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce que Yom Qiyamah, il va venir, il va témoigner? Est-ce que Yom Qiyamah, il va venir, il va me pousser vers le paradis? Il ne peut rien faire. C'est Allah qui décide. Ce n'est pas par mauvaise volonté, mais c'est Allah qui décide. Alors ça sert à quoi? Je vais juste annuler mon œuvre. Que un tel me voit ou qu'il ne me voit pas, qu'il fasse mes éloges ou qu'il ne fasse pas... Les éloges que les gens te font. Tu sais que c'est une fitna pour toi. Tu sais que ces éloges, ah oui, masha'Allah et tout, ça peut être une chose, c'est comme s'il te pousse vers l'enfer. C'est pour ça que le prophète Al-Sattam a dit qu'il ne faut pas faire les éloges d'une personne face à face. Et quand tu fais des éloges, un jour, une personne a fait des éloges devant, en présence de l'autre personne, le prophète Al-Sattam, il lui a dit que comme si tu brisais son dos. Meskine, il a fait des efforts pour faire des bonnes actions. Toi, tu fais ses éloges, alors tu lui ouvres une porte dans son cœur pour que le shaitan s'infiltre et pour qu'il modifie son intention. Donc, il faut cette réflexion, cette méditation. Si j'ai une mauvaise intention dans mon acte sera vain. Et au lieu qu'elle soit une bonne action, elle sera une mauvaise action. Allah la refusera. Donc, tu combats. Tu cherches dans les profondeurs de ton cœur. Pourquoi tu as prié dans le premier rang? Pourquoi tu as prié deux rak'at après l'adhan? Si c'est pour que les gens te voient, c'est mauvais. Mais si c'est pour Allah, laisse les gens te voir. Dans la mosquée, il n'y a que toi qui prie. Il y a binat entre nous. n'y a que toi qui prie à la maison. Le jeûne du lundi et du jeudi, il n'y a que toi qui jeûne. Vous voulez que je vous dise le nombre de personnes qui jeûnent le lundi et le jeudi? Ça, c'est monnaie courante. Allez, juste dans les mosquées. Allez dans les mosquées en juillet, août. Allez voir les hajj, les anciens, dans la mosquée, toujours avec des dates, à la mosquée, pour le Maghreb et pour le Maghreb, du lundi et du jeudi. Et tu dis, ah oui, un tel, il rase la barbe. Ah oui, un tel, il est méchant. Hein, lui. Mais tous les lundis, tous les jeudis, il jeûne. Toi, tu as jeûné quelques jours dans l'année, tu veux dire, ah oui, moi, j'ai jeûné. Tu mémorises le Coran. C'est bien que tu mémorises. Qui est comme toi qui mémorise le Coran? Mais tu sais combien est-il de personnes qui mémorisent le Coran dans cette dunya? Tu sais que dans certains pays musulmans, moi je connais l'Algérie, je suis algérien, je connais l'Algérie. Tu sais qu'il y a des gens qui dirigent la prière de Tarawih à 9 ans, à 13 ans, à 12 ans. Toi, tu as, je ne sais pas combien d'années, et tu mémorises, et je ne sais pas ce que tu mémorises bien, tu dis, ah oui, moi j'ai mémorisé. De plus. Donc, pourquoi tu veux te vanter? Ça sert à quoi? Les gens, depuis 10 ans, ils mémorisent le Coran. Il y a des gens qui mémorisent le Coran, ils ont fini, ça fait longtemps, ils mémorisent autre chose. Ils apprennent autre chose. Toi, tu veux te vanter avec quoi? Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir, méditer. Mahlish. Moi, personnellement, pour que vous sachiez. Moi, des fois, voilà, le shaitan, le nefs, ah oui, toi. Et moi, je suis quoi? Il y a des personnes qui ont quelques années de plus que moi. Regardez leur niveau de science et de piété qu'ils ont, et moi, là où je suis. Et je vais me vanter. Il y a des gens qui ont peut-être moins que moi de 10, 20 ans, ou voire plus, et ils font des cours dans le Haramain. Et c'est des savants, c'est des chouyours qui ont fait des livres, qui ont fait des cours et des conférences, et qui se disent, nous, on n'est que des petits trouvailles, les bouhils. Cher Soleiman al-Rahili, combien est-il de différence d'âge entre lui et moi? Et je vais me comparer, je dis, ouais, moi j'ai de la science. Il a peut-être, je ne sais pas moi, 10 ans de plus, même pas peut-être. Et regardez, là, il est dans les étoiles. Et moi je suis dans la boue. Et parce que j'ai un peu plus que des personnes qui viennent de se convertir, je vais dire que moi je suis un grand. Vous voyez? Donc, il faut travailler son intention. Toi, tu as fait ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait comme Abou Bakr al-Siddiq? Est-ce que tu as fait comme Omar ibn Khattab? Est-ce que tu as fait comme certains compagnons? Vous voyez, subhanallah, vous voyez que c'est vraiment une chose qu'il faut accorder beaucoup d'importance. Une fois, un compagnon, je ne me rappelle pas c'est qui son nom, il était dans le djihad fisabilillah, il était dans une bataille. Il allait tuer une personne. Cette personne lui a craché dessus. C'était un ennemi qui était opposé, qui avait les armes pour tuer. C'était un militaire, donc c'était pas un civil. C'était un militaire qui avait les armes. Il a été désarmé, il a été acculé au mur. Alors le compagnon allait le tuer, il a craché sur lui. Il a baissé son arme. Il a dit, va-t'en. Les gens lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'au moment où il a craché sur moi, est-ce que je vais le tuer parce que c'est la guerre, ou est-ce que je vais le tuer par vengeance parce qu'il a craché sur mon visage? J'ai eu un doute, il s'est retiré. À qui l'aurait fait? Nous, on a, ah oui, t'inquiète, j'aurai une bonne récompense parce que j'ai fait ça. Et combien y a-t-il? Donc, l'intention, comme a dit certains salafs, c'est la première chose qu'on travaille. Et on n'arrête pas de travailler l'intention. Quand tu apprends la science, quand tu pries, quand tu hajj, quand tu fais la umrah, quand tu portes la barbe, quand tu portes le djilbab, quand tu portes le sitar, quand tu portes le niqab, quand tu portes les gants, quand tu dis aux gens, itaqullah, ça c'est la musique enlevée, tout ce que tu fais, il faut chercher la sincérité. Vérifie dans ton cœur, est-ce que... Et tu filtres, et tu imagines, si j'étais seul, est-ce que je l'aurais fait? Si j'étais en présence de personnes qui s'en fichent de tel et tel péché, est-ce que je l'aurais fait quand même parce qu'eux, ils ne savent même pas? Tu vois? Donc ça, c'est un travail à faire. Toujours. Mais il faut toujours avoir l'espoir. Il ne faut jamais désespérer. Il faut faire ce que tu peux. Et même si des fois, il y a des imperfections, Allah pardonne tous les péchés. Voilà pourquoi tu dois te repentir toujours, tout le temps, demander le pardon. Le prophète, alayhissalam, il n'y avait pas une assise dans laquelle il s'asseyait sans qu'il ne demande le pardon auprès d'Allah 70, plus de 70 fois, dans une version plus de 100 fois. Alors qu'Allah lui a pardonné tous ses péchés, anciens et futurs. Et en plus, c'est le plus pieux des êtres humains, donc il ne fait pas de péché. Alors, ainsi doit être le croyant. Il doit faire du mieux qu'il peut, à tous les niveaux, et il doit toujours revenir repentant et demander le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah, azza wa jal, c'est auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, que nous demandons le pardon et la miséricorde. Jazakum Allah khayran, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله